Bienvenue dans le monde incroyable des effets sonores. Je vous ai concocté quelques surprises. Et je vous promets, votre cerveau ne va pas en croire ses oreilles. Installez-vous confortablement. Mettez un casque ou des écouteurs. Prêt ? Allez, c'est parti ! Du grand spectacle pour commencer, avec du son en 3D. Fermez les yeux, allongez-vous et détendez-vous. Vous allez être transporté loin, très loin. Allez, allez, dépêchez-vous de vous sécher et enfilez-moi ce casque et ce maillot. Il y a du monde qui vous attend.